Non, c'est bon, hein? Pas de souci. Hein? I blaze the day I found you. I want to stay around you. I so I beg you. Let it be me. Don't take this even from one. If you must cling to someone, no end forever. Let it be me. Attends, vous voulez que je me cale avec le métronome parce que sinon ça décale pour le moment. Don't take this even from one. You must cling to someone, no end forever. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without you, sweet love, what will life be? Never leave me lonely. Tell me you love me lonely. Je me décale du métronome. Attends, je n'entends pas assez ce truc. Ouais, il vaut mieux avoir une batterie parfois. Ouais, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve décalé. Attends, j'ai un moyen. Je suis con, moi, j'ai tout sous la main en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada.